Chapitre 22e. Un voyage de Hattison. Depuis le départ de Ned Hattison, tout ce que l'imagination humaine et l'effort continu des générations successives a créé dans l'art de détruire et de faire la guerre semblait avoir été centralisé par une volonté surnaturelle à Mercury's Park et à Skytown, les deux villes monstrueuses enfouies au milieu des montagnes rocheuses. En prenant la direction de cette société de milliardaires américains, Hattison père, l'illustre inventeur, avait dit vrai. En une année, son merveilleux génie d'organisateur pratique avait presque atteint le but proposé par William Boltin. Tout un coin de l'énorme chaîne de montagnes était transformé. Avec ses enceintes successives, chacune d'elles affectée à des travaux différents, avec la masse de ses bâtiments, de ses fonderies, de ses laboratoires, avec son parc aérostatique, Mercury's Park était bien à présent le premier arsenal du monde. Directeur tout-puissant, âme de la prodigieuse cité, Hattison père n'avait rien épargné pour lui assurer cette suprématie. Isolé dans son enceinte respective, une armée d'ouvriers travaillait chaque jour. Les cheminées des usines versaient sans relâche leur torrent de fumée. Les tours d'aluminium à 20 étages s'érigeaient. On ne comptait plus les dollars dépensés. Skytown ne restait pas en arrière. Là aussi, les marteaux-pilons ébranlaient le sol. Des monstres sous-marins montraient leurs coques d'acier dans les cales sèches. Des plans, d'une ingéniosité et d'une audace inouïe, recevaient une exécution plus audacieuse encore. À chacun de ces voyages, William Boltin rapportait une sensation plus forte d'orgueil et de puissance. L'énorme fortune du milliardaire s'accroissait sans cesse. Une heureuse spéculation l'avait rendu propriétaire de tout un quartier de Chicago. Les abattoirs et ses fabriques de conserve, sillonnés de trains électriques, enrichis de nouvelles machines, avaient doublé d'importance. Il n'y avait qu'un seul nuage sur son bonheur, Aurora, sa fille, le préoccupait. Elle, autrefois fervente de tous les sports, active et qui apportait dans toutes les choses de la vie l'impassibilité d'un caractère hautain et volontaire, s'ennuyait mortellement depuis le départ de Ned pour l'Europe. Toujours lasse, ne s'intéressant plus à rien, elle semblait chercher sans cesse des yeux quelques visions disparues. Boltin n'y comprenait plus rien. Pour la distraire, il avait tout imaginé. Les caprices les plus coûteux, une fois réalisés, n'arrachaient même pas un sourire à la jeune fille. Elle dépérissait à vue d'œil. Aussi, le milliardaire avait-il fait comprendre à Hattison qu'on ne pouvait plus différer le retour de Ned. « Il faut qu'il revienne à tout prix, qu'il laisse tout en suspens », avait-il dit. Pas plus que sa fille, William Boltin ne connaissait le véritable motif du voyage de Ned, Hattison père s'étant bien gardé de le révéler. Il avait usé d'expédients pour leur faire croire, à tous deux, que le mariage était seulement retardé. Il avait grandi son fils à leurs yeux en lui attribuant le désir de se rendre digne de la main d'Aurora par une réussite éclatante de sa mission. Nous avons vu que, cédant aux instances du milliardaire, l'ingénieur avait écrit à son fils pour l'engager à reprendre de suite le chemin de l'Amérique. Dans son laboratoire, qu'un blocus électrique isolait complètement, Hattison était enfermé depuis le matin. La nuit venait de tomber. Au dehors, de puissants fanaux électriques éclairaient tout le paysage de coupoles et de cheminées. Autour du savant, une multitude de pièces d'acier, de ressorts, de bielles encombraient les établis. Penché sur une feuille couverte de chiffres, l'ingénieur, dont les yeux pareils à des boules de métal, dénotait une extraordinaire tension du cerveau, semblait ne plus vivre pour le monde extérieur. À quelques pas de lui, Joey, le nègre muet, à la stature herculéenne, épiait ses moindres signes. À quelle tâche s'était voué le savant? Que rêvait-il de créer? Quelle mystérieuse besogne avait-il entreprise? Personne ne le savait encore. Hattison attendait sans doute l'heure propice pour divulguer ce secret. Mais malgré son silence, on pouvait supposer qu'il s'agissait d'une invention terrible, étant donné les précautions infinies dont il s'entourait dans son travail. Depuis plus d'une heure, aucun muscle de sa figure n'avait bougé. Il semblait figé dans cette attitude d'effort et de recherche. Tout à coup, d'un geste sec, il nota une formule. Puis, sans mot dire, avec sa brusquerie coutumière d'automate, il se leva, dériva le blocus électrique qui, autour de son laboratoire, mettait nuit et jour une invisible mais infranchissable barrière, et sortit. À peine arrivé à son cottage, le timbre électrique lui annonça une dépêche. À mesure que se déroulait la mince bande de papier, il lut « Mon père, en réponse à votre lettre, je suis heureux de vous informer de mon prochain mariage avec Mademoiselle Lucienne Goldberg, fille du savant distingué, membre de l'Académie des sciences de Paris. Je compte sur votre bonté pour m'envoyer votre autorisation par télégramme, votre fils, Ned Hattison. » À mesure qu'il avait lu, les lèvres de l'ingénieur s'étaient contractées. Ses yeux avaient pris une expression terrible. Pendant quelques minutes, la fureur l'empêcha de parler. « Oh, c'est trop fort !» s'écria-t-il enfin. « Se jouer de moi à ce point. Mais il est fou, le malheureux. Ah, c'est ainsi qu'il me récompense d'en avoir fait un savant. Il se pose un obstacle devant moi. Eh bien, nous verrons. » « Et il ose, poursuivit-il rageusement, me demander mon autorisation pour ce mariage insensé. Mon autorisation ? » répéta-t-il par deux fois. « Eh bien, je vais aller la lui porter moi-même. » Le lendemain soir, l'ingénieur Hattison arrivait à New York par la gare de l'Atlantic Railway et prenait place sur un paquebot de la compagnie transatlantique à destination du Havre. Chapitre 23e. Un mariage imprévu. En débarquant à la gare Saint-Lazare, l'ingénieur Hattison, depuis son départ de Mercury's Park, n'avait pas prononcé 20 paroles. La Touraine, un des plus récents paquebots construits, une merveille autant par sa vitesse que par le luxe et le confort qu'elle offre aux passagers, en 7 jours l'avait amené au Havre. Le trou du diable et les brumeux parages de Terre-Neuve franchis, le reste de la traversée s'était effectué par un temps magnifique. Mais des féeries paysages de la mer et du ciel, Hattison n'avait rien vu. Alors que, réunis sur le pont, les passagers des premières organisaient des bals et des concerts, enfermé dans sa cabine qu'il arpentait de long en large comme une bête fauve, l'ingénieur ne décolorait pas. Descendu du train transatlantique qui prend les passagers sur le quai même du débarquement, Hattison, qui, dans son mépris des hommes et des mœurs du vieux monde, s'était toujours obstiné à ne rien connaître des Français, à ne pas apprendre leur langue, eut recours à un interprète de l'hôtel Terminus, retint un appartement et, sans même prendre le temps de faire quelques toilettes, se fit conduire immédiatement chez son fils. Tom Punch, qui au coup de sonnette était venu ouvrir la petite porte donnant sur la rue, faillit tomber à la renverse en apercevant l'ingénieur. Sans lui laisser le temps de se remettre, celui-ci était déjà entré. Malgré la fureur qu'il n'avait pas quittée depuis la réception du télégramme de Ned, ce fut d'une voix calme qu'il demanda « Mon fils est là ?» et sur un signe affirmatif de Tom Punch, que l'étonnement rendait muet. « Bien, conduisez-moi auprès de lui. » Ned venait de rentrer. Il était allé dans quelques magasins, chez les orfèvres, commander de menus objets de toilette et des anneaux nuptiaux. Maintenant, il voyait chaque jour sa fiancée. Sans être encore fixé définitivement, la date de leur mariage était proche. Une seule chose lui manquait pour la forme, l'autorisation de son père. Lorsque, suivi de l'ingénieur Hattison, Tom Punch frappa à la porte du cabinet de travail de Ned, le jeune homme notait sur un carnet les courses urgentes qu'il devait faire l'après-midi. Tom parut d'abord, montrant dans l'entrebâillement de la porte sa grosse figure que l'émotion et la surprise avaient congestionnée encore plus qu'à l'ordinaire. « Monsieur Ned, fit-il à demi-voix, votre père qui vient d'arriver veut vous voir. »« Mon père ? » s'exclama le jeune homme qui, subitement, se trouva debout. « Eh bien, fais-le entrer et laisse-nous. » Inutile de dire que tout ce dialogue avait lieu en anglais. Quoiqu'il parlât couramment le français, Tom Punch, dans son effarement, avait recours à sa langue maternelle. Bien qu'émotionné par la visite de son père, Ned cependant paraissait calme. Le savant entrait. La main tendue, son fils vint au-devant de lui. « Bonjour, mon père. Quel heureux événement me vaut le plaisir de vous voir. » De même que tout autre sentiment, l'amour paternel chez Hattison n'était qu'un mot, c'est-à-dire une chose sans valeur aucune. Il ne fit même pas attention à la main qui s'avançait vers lui. « Nous avons d'abord à régler quelques questions, » fit-il rudement. « Nous verrons ensuite. »« Mais, mon père, je suis à votre disposition. Alors m'expliqueras-tu ce que signifie ce télégramme ? Vous l'avez bien vu, je suis fiancé à Mademoiselle Lucienne Goldberg, et je dois me marier prochainement. Quoi que pouvant m'en passer, puisque je suis majorien américain, j'ai donc sollicité votre autorisation. Mais c'est absurde, idiot! Tu gâches ta vie comme un esservelé! Alors que j'ai réalisé là-bas une œuvre gigantesque, qu'avant un an nous serons les maîtres du monde, tu tentais, toi, à me désobéir? Tu refuses d'épouser Miss Aurora? Tu n'as pourtant pas été sans apprendre que son père, William Bolton, vient presque de doubler sa fortune. Permettez-moi, mon père, de vous dire que ces considérations me sont tout à fait indifférentes. Miss Aurora ne me plaît pas. Pas plus aujourd'hui qu'il y a un an. Je ne veux l'épouser. J'ai trouvé ici une jeune fille dont les qualités de cœur et d'esprit valent mieux pour moi que les milliards de votre protégé. Fils ingrat ! S'écria l'ingénieur blême de fureur. C'est ainsi que tu me récompenses ? Tu ne mérites pas ce que j'ai fait pour toi. Ta lâcheté n'a d'égal que ta fourberie. Mon père, reprit Ned indigné, vous devriez avoir l'intelligence de ne pas mettre entre nous de pareilles phrases. Vous obéissez à des sentiments que je ne comprends plus, que je ne veux plus comprendre. Laissez-moi tout au moins le droit de les excuser. Ces paroles courtoises, au lieu d'apaiser la colère de Hattison, ne firent que l'irriter. Ah, je ne m'étonne plus, s'écria-t-il, que tu dédaignes Miss Aurora. Tu possèdes le secret de Mercury Park, qu'imprudemment je t'ai confié. Tu n'as pas besoin de ces millions, comme tu dis. Peut-être l'as-tu déjà vendu au Foreign Office, ou bien à ton pays d'adoption, car te voilà français maintenant, ajouta-t-il en raillant. Ned avait blêmi. Je vous défends, mon père, entendez-vous, de me traiter de la sorte. J'ai trop de loyauté pour trahir qui que ce soit. Et si je n'accepte plus de servir des gens comme vous, ma parole vous reste sacrée. Vous n'avez pas le droit d'en douter. Ah, je te souhaite de dire vrai, fit l'ingénieur en gagnant la porte. Car, ajouta-t-il en se retournant, tu as beau être mon fils, tu ne vivrais pas 24 heures. Ne perds jamais le souvenir de cette parole. Et sans prendre garde à Tom Punch, plus mort que vif, qui s'effarait le long des corridors, il regagna sa voiture qui stationnait devant la porte. 200 mètres plus bas, une autre voiture stationnait également. Derrière les stores baissés, un homme d'une 50aine d'années tenait les yeux obstinément fixés sur la demeure de l'ingénieur. Lorsque le coupé s'éloigna, le personnage, que semblait tant intéresser la visite de l'illustre inventeur, fit signe au cocher, qui, tout en se tenant à distance, suivit la voiture dans laquelle Hattison, furieux, ruminait des projets de vengeance. Quand il se fut assuré que M. Hattison était rentré à l'hôtel Terminus, le mystérieux personnage mit pied à terre, et tout en passant nonchalamment devant le café de l'hôtel, il sortit de sa poche un petit papier qu'il glissa dans la main d'un garçon en habit noir. Si Ned avait été là, il aurait reconnu le passager qui l'avait tant inquiété à bord du London, le touriste aux lunettes fumées, l'espion de l'Angleterre, Bob Weld. 2 jours plus tard, Hattison, n'ayant rien vu de Paris, n'ayant rien voulu voir, reprenait le chemin de Chicago. Quelques semaines plus tard, on célébrait le mariage de Lucienne et de Ned. Dans le jardin d'une claire maison de campagne, que le jeune Américain avait choisi aux environs de Paris pour y installer son bonheur, une table était servie. De merveilleux massifs de lilas blancs, de lys et de jasmin, escaladaient avec grâce les suspensions électriques disposées en plein air et dont les branches d'arbres formaient des soutiens naturels. La cérémonie avait été tout intime. En plus de Lucienne, dont la robe élégante mettait encore en relief la saisissante beauté, et de Ned, M. Goldberg, Olivier Cornal et quelques savants distingués témoins des jeunes époux y assistaient seuls. Ému jusqu'aux larmes par le bonheur de sa fille, le vieux Goldberg, qui pour tout le monde avait un mot aimable, semblait revivre les beaux jours de sa jeunesse. Olivier Corona lui-même avait tenu à assister à ce joyeux repas. Tout ce qu'il aurait pu avoir de haine ou de jalousie s'était fondu devant le spectacle de ce bonheur, de cet amour pur des deux jeunes gens. Ce grand cœur avait su faire taire toute mauvaise pensée, chasser tout nuage de son front et donner l'exemple de la gaieté. Quant à Tom Punch, ce jour était le plus beau jour de sa vie. Aidé de son inséparable Léon, il avait, quant au menu, bien tenu sa parole. À côté des pièces de gibier empruntant à d'inédites préparations des saveurs raffinées, des poissons merveilleux pour lesquels le majordome combinait depuis des mois des sauces stupéfiantes, des corbeilles de fruits rares tentaient l'œil par leur couleur doucement veloutée. Au dessert, Tom Punch, toujours grave, reçut les félicitations unanimes des convives. Le champagne, ce vrai vin de France, réunit tout le monde dans un toast cordial qu'Olivier lui-même porta aux jeunes époux. Sa voix tremblante trahissait ses sentiments intérieurs. L'inventeur était ému. « Oui, mes amis, » fit-il en levant son verre dans un élan généreux, « soyez bons surtout, car c'est encore la vraie sagesse. Au bras l'un de l'autre, vous pourrez marcher dans la vie sans défaillance, et les douleurs que vous éprouverez ne serviront qu'à vous mieux réunir. Soyez heureux, » ajouta-t-il. De lever tous nos verres dans une pensée de concorde et de justice, à l'heure où, autour de nous, la lutte est si violente, les hommes si féroces. Je bois à l'avènement d'une humanité plus heureuse et de la paix universelle dont un des plus puissants monarques de l'Europe a pris l'initiative d'une ère de prospérité et de richesse sociale à tout ce que nous rêvons, à tout ce que la science nous donnera. La lutte entre les peuples ne sera pas éternelle. Comme elle a supprimé l'ignorance et la superstition, comme elle remplace chaque jour le travail matériel, la science abolira les frontières. Il ne se peut pas que l'humanité se mente à elle-même. » Ces paroles furent couvertes par un tonnerre d'applaudissements. Au fond du jardin, Tom Punch, d'une voix de stentor, approuvait lui aussi par des hurrahs frénétiques. Cependant, à côté de celle qui maintenant était sa femme, au milieu de cette allégresse générale, Ned sentait une ombre passer sur son bonheur. Il pensait tout à coup aux machines qui, là-bas, dans les solitudes de l'autre côté de l'Atlantique, préparaient à coups de milliards l'écrasement de la vieille Europe, et les figures compassées et froides de Miss Aurora et de son père, de Hattison et de ses chimistes, surgissaient comme des fantômes en son souvenir. Mais un doux sourire de Lucienne eut vite fait de dissiper ce cauchemar. Un orchestre, dissimulé dans les feuillages, attaquait la marche nuptiale de Haydn. Et Ned Hattison se sentit fortifié contre l'avenir de toute la puissance de cet instant inoubliable. Ainsi s'achève le tome premier de La conspiration des milliardaires de Gustave Le Rouge.